Mais dans tes yeux torrides, je n'ai vu que du vide. Peu m'importe si ton scooter se dresse sur la roue arrière. Je suis trop jeune pour mourir et tu peux toujours courir. Au rodéo idiot, c'est clair, tu fais ton beau. De danser, j'ai trop envie de vivre. Mais délirer de rire, je ne suis pas une image, ni un oiseau en cage. J'ai tant besoin de rêver, de chanter, de danser, j'ai trop envie de vivre. Mais délirer de rire, je ne suis pas une image, ni un oiseau en cage. N'importe si ton portable a un forfait modulable. Je capture tous tes messages comme un mauvais visage. Ce que tu dis est creux, tout cela n'est qu'un jeu. Peu m'importe ta cigarette, ça serait mieux que t'arrêtes. Donne fière allure avec tes attitudes. Mais ta fumée me gêne et ça vaut pas la peine. J'ai tant besoin de rêver, de chanter, de danser. J'ai trop envie de vivre. Mais délirer de rire, je ne suis pas une image, ni un oiseau en cage. Pas envie d'être bonne, comme le bonbon qui se donne. Tu portes toujours des marques, dans l'idée qu'on te remarque. Tu devrais tomber le masque et ajuster ton casque. J'ai tant besoin de rêver, de chanter, de danser. J'ai trop envie de vivre. J'ai tant besoin de rêver, de chanter, de danser. J'ai trop envie de vivre. Mais délivrer de rire, je ne suis pas une image, ni un oiseau en cage. J'ai tant besoin de rêver, de chanter, de danser. J'ai trop envie de vivre. Mais délivrer de rire, je ne suis pas une image, ni un oiseau en cage.